Première rencontre. Du 26 février au 26 mars, Faustine est engagée chez CleanTech, une filiale de Nestlé, dans la charmante petite ville de Vevey située au bord du Léman. Les locaux de CleanTech sont également situés à Vevey, mais pas dans le célèbre bâtiment en Y. Son anglais parfait lui a ouvert des portes, semble-t-il. C'est d'autant plus formidable qu'il paraît que Nestlé reste fidèle à ses intérimaires, affirme sa responsable à l'agence Adia. Si on y met les pieds une fois, il est permis d'espérer un boulot fixe un jour. Et alors, c'est la planque. Ce matin, avant toute chose, Faustine a rendez-vous au siège pour récupérer son badge. On la prend en photo. C'est tout juste si on lui colle pas une ardoise comme pour les criminels. C'est dire si, ici, on prend la sécurité au sérieux. Ces formalités accomplies, on l'envoie au bureau ad hoc pour y recevoir les instructions générales, celles relatives à la fermeture des portes, à l'endroit pour se parquer, au ticket restaurant, aux heures d'ouverture du magasin Nestlé et toutes ces autres choses prétendument utiles à connaître. Une fois libérée de ces contraintes, Faustine se rend rue de la Madeleine dans les bureaux de CleanTech. Cette filiale, en collaboration avec le groupe britannique Baxter, est en passe de devenir le premier producteur mondial d'aliments destinés aux malades qui ne peuvent se nourrir normalement. Entre autres, la nourriture enrichie pour les gens atteints de cancer. Tout ici, les tableaux, les contrats, les courriers et les présentations de projets se font en anglais. Bien entendu, Faustine planifie également les voyages de ces messieurs. C'est chose facile car le géant mondial de l'alimentaire possède sa propre agence de voyage. Il suffit de téléphoner ou d'envoyer un fax au siège pour obtenir tout ce dont on a besoin. Pour Nestlé, miraculeusement, les places d'avion ou de train se libèrent sur le champ. Et idem pour les chambres d'hôtel, alors que tout est complet partout. Rue de la Madeleine, l'ambiance est excellente. Le patron, bientôt à la retraite, n'a qu'une exigence. Qu'on lui apporte un bouillon à 11 heures. Cela fait bien rire Faustine. N'est-ce pas tenter le diable? Pendant toute la durée de sa mission, elle s'appliquera à respecter l'heure exacte, juste pour voir si l'expression est juste. Boire le bouillon de 11 heures, voulant dire passer l'arme à gauche, autrement dit mourir. Elle s'avère fausse. Son patron s'accroche à la vie. Indépendamment de ce détail, la jeune femme s'amuse énormément chez CleanTech. Elle se lie d'amitié avec Madeleine, la deuxième secrétaire du bureau, une jeune fille très délurée et enjouée. Celle-ci la fait profiter de ses connaissances dans tous les domaines concernant la multinationale. La cantine, par exemple, est extraordinaire. On peut y manger ce que l'on veut pour 3 francs 6 sous. Parfois, Madeleine déjeune avec une amie qui travaille à la maison mère. Un jour, elle invite Faustine à se joindre à elle au restaurant des cadres. Ici, pour à peine plus cher, mais sur réservation uniquement, on entre dans un 5 étoiles, avec nappe blanche, verre en cristal et service à la table, en plus de la vue sur le Léman à travers les jardins. Que de gens importants dans ce monde inconnu qui s'ouvre à la jeune femme. Elle ressort aussitôt sa panoplie d'ethno-égologues. Autre surprise, le magasin Nestlé, un mini-supermarché situé au milieu du parking où tous les employés peuvent se fournir à prix réduit. Les pauvres, leur salaire n'est-il pas suffisant? Décidément, on ne prête qu'aux riches. Sa mission terminée, Faustine s'en va avec un peu de regret et beaucoup de chocolat. Elle n'oubliera pas l'expérience de sitôt. Adia propose à la jeune femme d'attendre une nouvelle mission chez Nestlé, histoire de renforcer sa position. Mais celle-ci refuse, ne pouvant prendre le risque de rester trop longtemps sans travailler. De fait, avec les 2 voitures, le bateau, l'énorme loyer et 2 salaires moyens, ils ne s'en sortent pas. Gilles ne l'avait pas encore dit, mais il possède également une maison. Enfin, posséder est un bien grand mot. Il a investi dans une villa mitoyenne quelques fonds propres, hérités d'une vieille tante. Mais pour le reste, la maison appartient toujours à la banque. En clair, il paye des intérêts et une assurance vie pour une habitation qu'il n'occupe ni ne loue, ayant été trop malade et ou alcoolisé pour faire le nécessaire en temps et en heure. Et pourtant, elle est sympa. il l'a fait visiter à Faustine. Elle est spacieuse, bien située, ils auraient tout à fait pu y vivre. Quel gaspillage! Pour couronner le tout, Faustine découvre, prenant en main les finances du ménage, que son cher étendre est à la tête d'un portefeuille d'assurance ruineux. C'est le moins qu'on puisse dire. Incroyable ce que la peur fait faire aux gens. Il doit être assuré pour à peu près tout. Elle décide d'y mettre bon ordre dès que possible. En attendant, elle accepte une nouvelle mission dans les télécoms. Elle commencera le lundi suivant. 2 jours plus tard, Faustine s'offre le coiffeur. Elle aimerait surprendre son époux à l'heure du repas dans un restaurant proche de son atelier où il a ses habitudes. Les cheveux joliment raccourcis, elle se pointe vers 12h30. Son chéri est déjà assis, entouré de ses compagnons de table, pour la plupart travaillant dans une jardinerie proche. Gilles, ravi de la surprise, présente fièrement sa femme à la ronde, l'installe à ses côtés et lui commande une assiette. Parmi les hommes présents, il y a Jacques, cet ami pépiniériste dont il lui avait déjà parlé, celui que sa femme a abandonné, lui laissant élever seule les 2 fillettes qu'elle avait eues d'un précédent mariage. En voilà un qui sait ce que c'est que de subir le sort de millions de femmes, pense Faustine en lui serrant la main. Puis elle prend place à côté de son mari. Quelques minutes plus tard, un nouvel arrivant interroge. « Puis-je me joindre à vous ?»« Vincent !» s'exclame Gilles. « Je suis désolé, Faustine a pris ta place. Au fait, tu ne la connais pas encore. J'ai le plaisir de te présenter ma femme. » « Enchantée, chère madame, s'incline Vincent avec un beau sourire. « Oh, pardon, je vais m'installer ailleurs. »« Mais non, ce n'est pas nécessaire, je vais juste prendre la chaise qui se trouve derrière moi. J'aurai largement la place de poser mon boc. » Ainsi, tout s'arrange. La serveuse apporte l'assiette de Faustine en même temps que le boc de Vincent. Il prétend que cela remplace aisément un repas. Faustine en doute. « Nous sommes fin mars, il ne fait pas encore très chaud. » Et travailler en extérieur brûle des calories, non ? La conversation roule sur des banalités et des plaisanteries. Puis à 13h25, on se sépare. Le boulot reprend à l'admi. Le 2 avril, chez Ascom, Faustine remplace une secrétaire partie 3 semaines en vacances. Dès le lundi suivant, après une journée de formation avec la dite secrétaire, elle roulera en solo. Le même soir, elle est conviée au pot de départ. Encore une fois, elle constate que ce monde n'est pas fait pour les alcooliques abstinents. On la regarde par en dessous lorsqu'elle refuse un verre de vin et c'est de nouveau la croix et la bannière pour obtenir un peu d'eau. Ce soir, en séance alcoolique anonyme, elle évoquera ce problème récurrent. Comment font les autres ? Faustine a été engagée pour seconder 12 de commerciaux. Entre 2 courriers, elle complète des tableaux de données. Très vite, elle s'ennuie. Jusqu'au moment où elle se rend compte que si ses collègues ne se bousculent pas pour lui donner du boulot, c'est qu'ils n'ont pas le temps, entre 2 clients, d'écrire les brouillons des lettres qu'ils veulent envoyer. C'est ce qu'ils faisaient pour leur secrétaire titulaire. Apparemment pas une flèche en élaboration de courrier. Faustine leur explique que 3 mots suffisent en général pour qu'elle s'en sorte très bien. C'est son boulot, après tout. À partir de là, chacun rattrape son retard et elle a enfin assez à faire. À la maison, c'est la dèche. Le frigo est vide et Gilles ne semble pas décidé à faire des efforts. Pour lui, dépenser 20 francs par jour au restaurant, c'est normal. Il ne voit aucune raison de changer. C'est Faustine qui se prive de repas ou se contente de sandwich. Elle n'a aucune aide à espérer de l'extérieur. Les parents de Gilles ne sont pas du genre à filer de l'argent à tort et à travers. Un sou est un sou. Ils sont bien placés pour le savoir en tant que commerçants. Ils veulent bien aider les jeunes mariés, mais en nature uniquement. Souvent, pendant cette période, Ellie partagera des pâtes ou du riz. Gilles a bien tenté de gaver Faustine de croquettes de riz, mais elle n'a jamais réussi à les avaler. Malgré cela, la solution la plus évidente, qui serait de chercher un logement plus petit et moins cher, n'est jamais évoquée. Ou, si Faustine tente de l'aborder, elle est aussitôt écartée. Au motif qu'ils méritent ce bel appartement, du simple fait qu'ils ont fait l'effort d'arrêter de boire. Dès lors, ils iront jusqu'à vider les boîtes de conserve sans étiquette offertes par Patricia en cadeau de mariage. Ils n'auront pas toujours mangé ce qu'ils préfèrent, mais au moins ils auront bien ri, en tombant sur des ananas, alors qu'ils espéraient du cassoulet.